Le Comité coréen pour la réunification pacifique de la patrie a publié le 4 un mémorandum sous thème « Grâce aux patriotes sans égal et grand âme sans pareil, la nation coréenne exaucera à coup sûr son vœu d'unité nationale ». Dans les sous-titres, « Grand âme sans égal éclairons la voie radieuse de l'époque de la réunification indépendante, dirigeant unique à exaucer le vœu ardent de la nation pour la réunification, grand saint sans égal conduisant toute la nation à la réunification, grand protecteur du sort de la nation avec l'épée de Sungun et vénération infinie, fierté immense de la nation », le mémorandum explique en détail les exploits immortels du maréchal Kim Jong-un qui considère comme son credo de vie sublime les recommandations du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-un en matière de réunification de la patrie et inscrit l'épopée héroïque et patriotique dans l'œuvre pour les mettre en œuvre. Le mémorandum indique notamment « 5 ans ont passé depuis que le dirigeant suprême Kim Jong-un a effectué l'historique inspection de Panmunjom, symbole de la division nationale. En mars de l'an 101 du Juche 2012, il a visité Panmunjom. Ces 5 dernières ans durant, tous les Coréens ont vu les ennemis stupéfiés devant le courage, la fermeté et le stratagème génial du dirigeant suprême qui pratique la politique de Sungun. Ils ont constaté encore que la volonté patriotique du grand homme pour la réunification et son leadership éminent ont permis d'écarter le rideau de division nationale pour anticiper l'horreur de l'unité nationale sur le sol coréen. Grâce au dirigeant suprême Kim Jong-un qui repousse le défi féroce des sécessionnistes du pays et du monde avec l'esprit et le courage ferme du Paektu et conduit sagement la cause de la réunification du pays, la nation coréenne verra sous peu le jour historique de l'unité nationale.